juste avant le départ. Dis madame, donne-moi un regard, s'il vous plaît. Mais madame, si tu es bien ici, oh madame, donne-moi tes amis, s'il vous plaît. Dis madame, avant que de partir, dis madame, donne-moi un sourire, s'il vous plaît. Mais madame, si tu vis près de moi, oh madame, donne-moi de la joie, s'il vous plaît. Je ne connais pas du tout le goût ni la douceur de ces choses-là. On m'a dit que c'était merveilleux, que c'était un plaisir digne d'un roi. Je ne connais pas du tout le goût ni la douceur de ces choses-là. Si tu peux, mais surtout si tu veux, dis madame s'il vous plaît, apprends-les-moi. Dis madame avant de t'en aller, dis madame donne-moi un baiser, s'il vous plaît. Mais madame, puisque tu peux rester, oh madame, donne-moi un foyer, s'il vous plaît. Dis madame avant que sonne l'heure, dis madame, donne-moi du bonheur, s'il vous plaît. Mais madame, puisque tu as le temps, oh madame, donne-moi un enfant, s'il vous plaît. Je ne connais pas du tout le goût ni la douceur de ces choses-là. On m'a dit que c'était merveilleux, que c'était un plaisir digne d'un roi. Je ne connais pas du tout le goût ni la douceur de ces choses-là. Si tu peux, et surtout si tu veux, dis madame s'il vous plaît, apprends-les-moi. Madame, tu ne vas pas partir. Oh madame, tu ne vas pas partir, s'il vous plaît.